Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbeau Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbeau Auto est situé au 1770 boulevard Wahlberg-Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbeau Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. C'est la chronique du Marcos Pop de Saint-Félicien avec l'instructeur-chef Jason Lejeunesse. Salut Jason! Salut Danny! Jason, en fin de semaine, deux victoires du Marcos Pop. Oui, deux victoires. Première victoire de Saint-Gris, c'est marqué. Puis samedi soir, là, à Jean-Marche, 3-1 contre les Orioles. OK. Donc, si on y allait des deux matchs, comment ça s'est passé dans l'ensemble? OK. C'est un très, très, très bon match, là, défensivement. On n'a rien donné à l'adversaire. Le seul but qu'on se parlait, le seul avantage numérique. Donc, à 5 contre 5, là, on n'a rien donné. On a joué un très bon match. Puis, du côté de samedi soir, un match un peu plus difficile de l'autre côté, là. Manque d'exécution. On patinait pas avec eux, là. Mais on a trouvé un moyen de gagner, là, le match. Malgré tout. Ben, c'est ça, les bonnes équipes, hein. On trouve toujours le moyen de gagner, hein. Ouais, c'est en plein ça. Je pense que on a trouvé un moyen, oui. On n'a pas joué notre meilleur match, mais de la saison, mais tu sais, on n'a pas joué un mauvais match, là, mais c'était pas notre meilleur non plus. Donc, okay. On a trouvé une façon de gagner, là. OK. Chicoutimi. C'est sûr que Chicoutimi a une équipe rapide et rapide qui sont intenses, là, qui sont gros, là, des gros bonhommes. Donc, ça a fait un très bon match de hockey, je pense, vraiment. OK. Qu'est-ce qui se passe au cours de la fin de semaine maintenant, de la prochaine fin de semaine? Seulement un match, là, vendredi soir, là, à Saint-Félicien contre le National de la Baie. OK. Dans le temps du Marcos Pub avec David, il y avait 400 personnes. C'est-tu encore ça pas mal, le vendredi soir? Oui, là, on a pas poigné ça encore 400. Puis même l'année passée, il n'y avait pas sur 400, là. Depuis qu'il n'y a plus de contact, là, dans le budget de l'eau. Ah, ouais? Oui, ça avait descendu pas mal à Saint-Félicien. Mais là, depuis que le contact est revenu, là, on dépasse le 300, là, quasiment tous les soirs. Donc, c'est quand même très, très, très bon, là, de ce côté-là. OK. Ben, Jason, on se reparle même pas la semaine prochaine? Oui. L'instructeur-chef du Marcos Pub de Saint-Félicien, Jason Lejeunesse.